massacre, and no war and anger was ever won. Put out the fire before igniting. Next time you're fighting, ce soir. Soirée Radio Mix Floor. Live. Retransmise en simultané dans toute la France sur radiomixfloor.fr. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Are you ready? Connexion. Let's go. Allez, c'est parti, 20h pile sur la première web radio Dance Floor de France. On est ensemble comme chaque semaine avec tous vos mix dance électro qui font bien plaisir. Et ce soir, c'est DJ Dreamstyle qui vient mettre le feu aux platines de la radio. Vous êtes prêts ?

Once again.

live sur Radio Mixfleur. To the top, keep on moving, moving. Gotta keep on moving to the top. Keep on pushing, pushing. Pushing to the top, yeah. Keep on pushing to the top. Keep pushing on, things are gonna get better. It won't take long. Keep on pushing to the top. Keep on moving, moving. Gotta keep on pushing to the top. Keep on pushing, pushing. Keep pushing on, things are gonna get better. It won't take long. Keep on moving to the top. Keep on moving, moving. Gotta keep on moving to the top. Keep on pushing, pushing. We'll be right back. past if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. It was a rush, but I couldn't get enough. It was a rush, but I gave it up. It was a rush, so I might've wanna say too much. But that's all it was, so I gave it up. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gotta spend it like no other. Avec nous et c'est ça qui est cool. Vous écoutez le son de Radio Mixfloor partout en France, on s'incruste même dans vos soirées. Hein. En tout cas, si vous avez décidé de sortir ce soir, vous laissez conduire Sam. Et je rappelle également que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et que c'est à consommer avec modération. On va se faire le son de Rehab pour continuer jusque 22h et aussi le son de Cachemire qui va débarquer. Je m'appelle Quentin, vous écoutez Radio Mixfloor, on est ensemble jusque 22h, bienvenue. Radio Mixfloor live, au platine, DJ Dream Style. Les plus grands DJ Mix pour vous dans Planet Mix sur Radio Mix Floor. Unpredictable, bet you want some action, baby. Talk you, talk you. Do. The way that you talk, I like the way that you walk. Crash, boom, bang, you're so beautiful.

they wrong. Everybody now, let me see your hands up. Right now, hands up. Everybody now, let me see your hands up. Everybody now, let me see your hands up. Everybody now, let me see your hands up. Right now, hands up. Everybody now, let me see your hands up. Everybody now, let me see your hands up. Everybody now, let me see your hands up. Right now, hands up. Everybody now, let me see your hands up. Everybody now, let me see your hands up. Everybody now, let me see your hands up. Right now, right now, right now, right now. To get off of the ground. Le mardi soir avec le Planet Mix jusqu'à 22h, c'est bien possible, ouais. Je peux même vous dire qu'on est en direct dans toute la France avec DJ Dreamstyle au platine. On prend un peu d'avance, hein, sur le week-end et justement c'est ça qui est bon. Le son de Eminem, c'est ce qui va débarquer juste derrière moi tout de suite. Restez branchés, je vous accompagne jusqu'à 22h sur Radio Mix Floor. Radio Mix Floor live au platine, la DJ Dreamstyle. Stand up. tell a friend. Guess who's back? Guess who's back? Guess who's back? Guess who's back? Guess who's back? Guess who's back? Guess who's back? I've created a monster, cause nobody wants to see Marcel no more. They want Shady, I'm chopped liver. Well, if you want Shady, this is what I'll give you. A little bit of weed, mixing some hard liquor, some vodka that'll jumpstart my heart quicker than a shock when I get shot at the hospital by the doctor when I'm not cooperating. But I'm rocking the table while he's operating. You waited this long to stop debating, cause I'm back, I'm on the rag and operating. I know that you got a job, Miss Cheney, but your husband's heart problem's complicated. So the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see. You try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me. So this looks like your time for me, so everybody just follow me, cause we need a little controversy, cause it feels so empty without me. I said this looks like your time for me, so everybody just follow me, cause we need a little controversy, cause it feels so empty without me. Such a catastrophe, but you can see so damn much of my ass. You ask for me, well I'm back. Fix your penance and I'm swimming in and entering up under your skin like a splitter. The center of attention, back for the winner. I'm interesting. The best thing since wrestling, investing in your kids' ears and nesting. Testing, attention please. Feel the tension, soon as someone mentions me. Here's my 10 cents, my 2 cents is free. And who sent, who sent, you sent for me? Now this looks like a job for me. So everybody, just follow me. Cause we need a little controversy. Cause it feels so empty without me. Yeah.

this, move it. I like to move this, move it. I like to move this, move it. You like to move it. The girls wanna play with the boys, and the boys wanna play. shit. In a club like we the shoot. Too much, legit. Up in this bitch and we so lit. Oh my god, oh my goodness. Feel good cause I'm sippin' on good shit. Two drinks got two fists. Three chicks got two fists. Let's take a minute, take it to the next level. Turn up the pace. 22h33 sur Radio Mix Floor, le Planet Mix de l'été qui continue avec vous tous en France. Bon courage à vous si vous êtes au taf. Et pour ceux qui sont en vacances, bah profitez bien de votre soirée. Vous êtes hyper nombreux à vous connecter sur le www.radiomixfloor.fr comme Simon de Bretignolles sur mer qui fait une big dédicace à toute l'équipe de Radio Mix Floor et à sa chérie Manon qu'il aime à la folie. Et bien big up à toi mon pote, bougez pas, on est ensemble jusqu'à 22h avec DJ Dreamstyle qui s'incruste dans votre soirée depuis 20h. Le Planet Mix de l'été, c'est comme ça tous les jours du lundi au jeudi sur la première web radio Dance Floor de France. Radio Mix Floor Live. Au platine, DJ Dreamstyle. Style. crashing waves, but I wanna see them at first light. Off to a long night and see the sky take shape, but I wanna see the stars burn. Off to a hot night turn. And ooh, ooh, you're working so hard. You played your card, so what's the payoff? And ooh, ooh, bit to a kiss cheek. You gotta go deeper than deep to get me off. De France le mardi soir, et ben vous avez carrément raison. DJ Dreamstyle au platine jusqu'à 22h avec Electro House, Mashup, Bootleg jusqu'à 22h, et demain dès 10h

me and you, girl, you and me. Drop it to the floor and me see your energy, because me not play no hide and seek. Pop it the thing you want, make me feel weak, girl. Free, why anytime you whine and catch it, it's select to pull it up and put it for repeat, girl. Me not touch a dollar, no me fuck it, cause nothing in this world ain't more than what you were. You want more than diamond, more than gold. As long as I can feel lovely, make the major set control. But I don't need no money. You want more than diamond, more than gold. As long as I can dance, for your percent, get out of control. Sur Radio Mix Floor. Father, don't ask me why. You're right, you're right. smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Take off my clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes. Suite sur Radio Mix Floor, ce qui annonce la fin de ce Planet Mix, évidemment. Le morning de l'été qui arrive demain dès 10h avec Alex et moi-même, et avec tout plein d'infos évidemment. Et dès 20h, c'est le Planet Mix qui revient avec tous vos sons dance électro remixés spécialement pour vous. Et encore une bonne raison hein, de faire une nouvelle soirée avec vos potes ou même tout seul. Et bah oui, dommage. Si vous sortez ce soir, c'est Sam qui prend le volant. En tout cas, profitez bien de vos vacances avec le son de Radio Mix Floor. Retour de tous vos hits préférés dans quelques secondes. Et DJ Dreamstyle qui a envoyé du lourd ce soir, c'était un énorme kiff. Merci Dreamstyle. Attends, j'ai oublié de mettre le micro. Merci Dreamstyle. Merci à vous, hein. 2 heures de bon petit son, je me suis fait plaisir et puis voilà. Ah bah tu as envoyé du lourd, on va dire ça, hein, carrément. Donc ça a été un énorme kiff, encore plus de sons dancefloor bientôt qui reviennent dans le Planet Mix. Ouais, on compte sur toi. On va fouiller, puis on va trouver des grosses nouveautés, des gros mashups, on va se faire plaisir et puis voilà. Et bah voilà, il y a Alex qui est avec nous. Ah fouille pas trop loin parce que tu vas croiser des Pokémon. Ah, ouais, ouais, il faut dire que Dreamstyle est un grand chasseur de Pokémon. Tous les jours de toutes les nuits même, tu vois. Après. Voilà. Quant à moi, je vous dis à demain, 10h, 12h sur Radio Mix Floor. Salut tout le monde, à demain. Salut, c'est Benjamin Braxton et vous écoutez mon nouveau single Ailleurs sur Radio Mix Floor.

Radio Mix Floor. Radio Mix Floor. Un max de son dance floor. Sunsets over northern skies. It took a while just to see you smile. Well, this is the longest of goodbyes. It took some time just to work it out. No broken words never heard you shout. Well, this is the longest of goodbyes. This is the longest of goodbyes. I said, this is the longest all my bridges burn, lovers lost and friends return. This is the longest of goodbyes. I said, this is the longest Floor. Un max de son dance floor. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, vamos. Despacito.